Voici l'événement auquel était dû le mariage de cette énergie femelle et de cette faiblesse masculine, espèce de contresens assez fréquent, dit-on, en Pologne. En 1833, Mademoiselle Fischer, qui travaillait parfois la nuit quand elle avait beaucoup d'ouvrage, sentit, vers 1 heure du matin, une forte odeur d'acide carbonique et entendit les plaintes d'un mourant. L'odeur du charbon et le râle provenaient d'une mansarde située au-dessus des 2 pièces dont se composait son appartement. Elle supposa qu'un jeune homme nouvellement venu dans la maison et logé dans cette mansarde allouée depuis 3 ans se suicidait. Elle monta rapidement, enfonça la porte avec sa force de Lorraine en y pratiquant une pesée et trouva le locataire se roulant sur un lit de sangle dans les convulsions de l'agonie. Elle éteignit le réchaud. La porte ouverte, l'air afflua, l'exilé fut sauvé. Puis, quand Lisbeth l'eut couché comme un malade, qu'il fut endormi, elle put reconnaître les causes du suicide dans le dénuement absolu des 2 chambres de cette mansarde, où il n'existait qu'une méchante table, le lit de sangle et 2 chaises. Sur la table était écrit ce qu'elle lut. « Je suis le comte Wenceslas Steinbock, né à Prélie, en Livonie. Qu'on n'accuse personne de ma mort. Les raisons de mon suicide sont dans ces mots de Kosciusko, finis Poloniae. Le petit-neveu d'un valeureux général de Charles XII n'a pas voulu mendier. Ma faible constitution m'interdisait le service militaire, et j'ai vu hier la fin des 100 thalers avec lesquels je suis venu de Dresde à Paris. Je laisse 25 francs dans le tiroir de cette table pour payer le terme que je dois au propriétaire. N'ayant plus de parents, ma mort n'intéresse personne. Je prie mes compatriotes de ne pas accuser le gouvernement français. Je ne me suis pas fait connaître comme réfugié, je n'ai rien demandé, je n'ai rencontré aucun exilé, personne ne sait à Paris que j'existe. Je serai mort dans des pensées chrétiennes. Que Dieu pardonne au dernier des Steinbock, Wenceslas. »